بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في باب جديد. Donc nous allons prendre un nouveau chapitre aujourd'hui dans Kitab al-Salah. Wa bab sunan iratiba. C'est-à-dire les salawat surrogatoires qui sont liées, attachées aux obligatoires. Wa ta'kid rakatay sunnat al-fajr wa fadliha. Et qui vient pour affirmer justement les deux rakats du Fajr que l'on fait avant la salle du Fajr et leur mérite. Qu'il faut se rappeler que ces salawat, on appelle les rawatib, celles qui sont liées aux salawat obligatoires, elles sont là, elles ont différents, beaucoup de mérites et beaucoup d'intérêts, et elles apportent beaucoup de profit. Et parmi eux, qu'elles sont une protection pour les salawat qui sont des obligations. Elles te permettent de préserver ton capital qui est l'obligation. Car les actes préférés au Prophète Azzawajal, ce sont les actes obligatoires. Et que le serviteur se rapproche encore plus d'Allah pour les surrogatoires. Et que parfois il arrive, comme le disent les ulama, que tu as une faiblesse de foi ou quoi. Donc à ce moment-là, vaut mieux que ce soit tes salats qui soient surrogatoires, qui ne soient pas obligatoires, qui en prennent un coup, si cela devait arriver, plutôt que ton obligatoire. Et également, elles sont une compensation pour nous, Yom Al-Qiyama, lorsque Allah va regarder nos salawat, voir ceux qui sont acceptés, ceux qui ne le sont pas, et compenser le manque de ceux qui sont refusés par ceux qui étaient surrogatoires. D'accord? Et cela ne nous rajoute que de le monter de foi, de faire des actes surrogatoires. Car l'hymen, la foi, monte et descend. Elle monte comment? Avec l'obéissance, elle descend avec les obéissances. Tu veux que ta foi elle monte, plus tu feras des actes plus tu feras d'actes d'adoration, et plus ta foi sera amenée à monter. Et au fur et à mesure, le nefs est ta'awad. Il s'habitue. Sans pour autant non plus te surcharger de ce que tu pourras tenir. N'oublie jamais que, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Abdullah ibn Amr, la'ala l'umr yatul lobika, il se peut que tu vives longtemps. Donc n'oublie pas qu'il se peut qu'un jour tu sois vieux et tu aies du mal à faire ce que tu fais aujourd'hui. Donc dès maintenant, anticipe et fais ce que tu supportes pour pouvoir perdurer dessus. Car les meilleures des œuvres auprès d'Allah sont celles qui durent. Elles sont celles qui durent, même si elles sont légères. Durer dessus plutôt que d'aujourd'hui faire beaucoup et demain ne plus rien faire du tout. Fais ce qui est juste milieu. Non. Faqala fi al-hadith at-tasi' wal-khamsin. 50e hadith. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي اللفظ فما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته وفي اللفظ البخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. Donc selon Abdullah ibn Omar, qu'il a dit, j'ai fait la salat avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, deux rakat, il est par des surrogatoires. Deux rakat avant le dhor. Et deux, après le dhor. Deux rakat après le jumu'a, et deux après le maghrib. Et deux après l'isha. Et dans une version, il dit, quant au maghrib et le isha et le fajr, et le Jumu'ah dans sa maison, c'est-à-dire les salats ont été faits dans sa maison, surrogatoire. Et dans une version dans le Bukhari, Ibn Omar dit que Hafsa, sa sœur, qui était la femme du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait deux rakat légères avant le Fajr. Et il a dit Ibn Omar que c'était à une heure à laquelle je ne montais pas chez lui. C'est-à-dire que c'est une chose que lui n'aurait pas pu savoir. C'est Hafsa qui lui a dit. Non. Faqala fadilat al-shaykh Ibn al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, rawi Abdullah ibn Omar. Donc le rapporteur c'est Abdullah ibn Omar et sa tarjama a été citée dans le 13e hadith. Yaqul mawdu al-hadith bayan as-sunan wa rawatib at-tabi'a lil-fara'id. Ce hadith vient pour démontrer justement les sunnas à appliquer, les salat liées aux obligatoires qui ont lieu avant ou après. Yaqulu fi al-sharh al-ijmali. Sens global. يخبر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن سنن ورواتب التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها مع الفرائض وتكميلا لها وترقيعها لما عسى ان يكون المصلي قد اخل به او اخل به. Donc عبد الله بن عمر là nous informe justement des salawat surrogatoires qu'il a fait avec le Nabi صلى الله عليه وسلم qui étaient liées aux salat obligatoires pour les compléter. يخبر بذلك عن يقين حيث صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم ma'ada ratibat al-fajr. Et là, il nous informe avec certitude du fait qu'il lui-même les a appliquées, les a faites avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en dehors du fajr. Quand on dit les a faites avec lui, il ne les a pas faites en groupe, mais il les a faites en sa compagnie. فقد نقلها عن أخته لأنها كانت في وقت لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. Et également sa sœur qui est Hafsa l'a informé justement de deux rakats du Fajr, car c'était une heure à laquelle Ibn Omar n'entrait pas chez le Nabi صلى الله عليه وسلم. Et il s'agit de deux rakats qui sont au Fajr. Non, donc les rakats qu'il a fait Ibn Omar avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sont deux avant le Dhuhr, deux après le Jumu'ah, et deux après le Maghrib, et deux après l'Isha. Et celles que Hafsa lui a rapportées sont deux avant le Fajr. Wa annahu yusalli ratibat al-Maghrib wal-Isha wal-Jumu'ah fi bayti. Et qu'il justement faisait les surrogatoires qui sont liés au Maghrib, au Isha et au Jumu'ah dans sa maison. وكذلك رتبة الفجر في ظاهر السياق également le fajr comme le prouve l'apparent du hadith وسكت عن رتبة الظهر فلم يبين أينما أو أين يصليهما quant aux deux rakats du dhuhr il n'a pas expliqué où est-ce qu'il les a faites يقول فوائد الحديث les enseignements utiles à prendre du hadith مشروعة التنفل بيد الرواتب وأي ركعة قبل صلاة الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد صلاة الجمعة وركعتين بعد صلاة المغرب وركعتين بعد صلاة العشاء وركعتين خفيفتين قبل الفجر. Donc là, ça nous montre justement le côté législatif ou légiféré de ces salats surrogatoires cités au préalable, auparavant. ثانياً أن الأفضل صلاة راتبة الجمعة والمغرب والعشاء والفجر في البيت. Que le meilleur, c'est que les salats surrogatoires qui sont liés au Jumu'ah, au Maghrib, au Isha et au Fajr, ce soit à la maison. Et quant au Dhar, il n'a pas dit à quel endroit est-ce qu'il les a faites. Lakin fi sahih Muslim an Aisha radhiyallahu anha, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kan yusalliha fi baytihi. Dans les deux recueils authentiques, Aisha a apporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam justement faisait ses deux rakats du Dhar dans sa maison. Et عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء وفي اللفظ خير صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. Et que selon Zayd ibn Thabit, que le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit que la meilleure salat de la personne, c'est-à-dire surrogatoire, est ce qui fait chez lui, en dehors des obligatoires. Donc tout cela montre que le vor également, il est recommandé de le faire à la maison. Et après le vor, d'autres versions sont venues que le Nabi صلى الله عليه وسلم faisait 4 rakat avant vor. Donc les ulama disent, tu peux faire 4 et tu peux faire 2. Et une version également est venue 4 à la 4 après le Dhor. Donc également, tu peux faire 2 et tu peux faire 4. Comme l'a dit Cheikh Ben Bez, tout ça rentre dans la Sunna. Tu fasses 2 avant, 2 après, c'est Sunna. Que tu fasses 2 avant, et 4 avant et 2 après, c'est Sunna et ainsi de suite. Tout, c'est la Sunna. Non. Fa'adha al-lazi radna, mi'adha al-hadith, wa'alhamdu rabbil alamin.